seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Passez une bonne soirée, bienvenue, le Planète Rap consacré à Lino. Ça continue ce soir encore, on est allé à un peu plus de 48 heures de la sortie. C'est lundi, lundi dans les bacs. Buenas noches. Ça arrive, Requiem, l'album de Lino, gros album. Toujours le 12, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, c'est lundi, toujours en précommande, hein. On peut précommander dès maintenant. Yes. Pour l'avoir rapidement aussi. Donc, voilà, pour ceux qui sont pressés, c'est la précommande. Sinon, faut aller dig ça dans les bacs. Bon, ça va être une grosse soirée, je pense, pour conclure ce soir encore cette semaine. Ouais, avant de revenir lundi, puisque lundi, tu seras aussi avec nous et toute la semaine prochaine, Lino. Ouais, voilà. Ça, c'est une belle nouvelle. On aura des petites surprises, tout ça. Il faut y aller crescendo, il faut y aller doucement. Donc, on prépare ça. Et bon, on vivra la sortie avec toi lundi. Ce soir, il y a évidemment Calbo qui est là. Calbo, oui. En forme. Ouais, très en forme. Ce soir, une spéciale VLB. Voilà. Avec Tequila qu'on salue aussi, qui est là, qui est prêt à donner des dates de concert de partout dans toute la France. Tranquille, hein. Il y a la Bru qui va le faire, hein. Et les dates à Brazza, hein. Et ce soir, donc, Lino, que se passe-t-il dans l'émission ce soir? Là, c'est une spéciale Villiers le Bel, avec l'équipe de Villiers, tout ça, les rappeurs, la famille, tout le monde. Donc, c'est. Il y a monsieur. Le grand pompe. Mac la Brute. Mac quoi? Armageddon. Oui. Armageddon, évidemment, Armageddon qui fait aussi partie de l'histoire du 6e chaudron, qui est le quartier d'où vous venez. D'ailleurs, c'est un quartier qui s'appelle pas à l'origine 6e chaudron à Villiers. Non, on l'a rebaptisé. Vous avez rebaptisé, ouais. Cerisé, on l'a rebaptisé. Depuis un sacré moment maintenant, c'est marrant. Ceux qui suivent le parcours d'Arsenic connaissent ou ont déjà entendu parler du 6e chaudron. Yes. Donc il y a des artistes de ce label. Il y a quoi, ceux qui sont maintenant aussi en train de rapper. Donc une nouvelle génération qui arrive. Il y a plein d'équipes. Justement, ils sont tous derrière. Génération, ils tiennent toujours. Donc le 6e chaudron, il est toujours en vie. Il y a tout le monde. Il y a Bonham qui est là. Il y a Cascami. Il y a les survivants. Voilà, il y a Fab Gauss. Il y a Benox. Kila Kali. Donc ça veut dire qu'il y aura un gros live tout à l'heure. Ouais, il y aura du live. J'ai l'impression qu'il y a des morphales. Il y a des chances. Les enfants, ils veulent mordre déjà les coups, les crânes. Les enfants sont pressés. C'est le blanc castal. Eh bien, on pourra entendre ça, mais juste avant, hier soir aussi, c'était une belle soirée, puisqu'il y avait une grosse partie du secteur A. Ouais, on avait. Avec Passy, avec les Negmarons, avec Janik qui était là, les deux balles qui étaient là aussi. Ouais, Janik. Tous ceux qui y sont passés hier soir. Et bon, on va pouvoir les réécouter dans ce replay qui est aussi le replay de la semaine. Donc ça va être un long et beau replay maintenant sur Skyrock. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Il n'y aura pas une, mais deux semaines avec Monsieur Lino. Sur ces années, avant toute chose, je pense que t'as vécu aussi. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps, on dit t'as pris un peu de retrait, on t'a pas entendu. Oui. Pourquoi t'as pas sorti avant l'album, machin. Mais je sais pas, c'est quoi ça, voilà, c'est quoi vivre. Bien, tu vis, il est devenu fort. Mais t'as compris le truc, voilà l'expérience. Il faut vivre, il faut apprendre. Planète, 5 ans, pire en plus de billets. La devise, estropiée. La paix peut aller se rapier. La crise, on consumait le ghetto et ses rejetons. Je serai toujours plus vicieux avec ce qu'on a rejeté, les jetons. Ça rentre, ça sort. La vie, c'est pas un feuilleton. Un long fleuve tranquille ou un putain de bouquin. Feuille d'écueil. J'évite le non-sens comme un virus. Super comme à la roulette russe, les taux se resserrent, l'état met le veto. Les jeunes se mettent au rap, préto. Ils frappent la résistance, c'est prêt au micro. Je deviens MC à métho. Sur leur sale style, en leasing, en si. Lili, mec, le cash est l'illicite. Lili, lascar, ok, je m'affilie. Ok, j'taffe, j'milite. Le ciel m'a limite. J'suis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lâchent. Avec Manon qui est là, qui t'accompagne sur ce morceau. Il est né comment d'ailleurs celui-ci, de Rêve et de Cendre? Pour celui-là, voilà, on voulait une voix spécifique. Je voulais pas un truc trop R&B-sant, trop, tu vois. Et la sœur a fait un truc. Je pense que tu voulais une voix un peu douce en fait. Exactement. Si la guerre se gagne, le ventre vide. Fatigué de perdre, l'oseille achète des petites victoires. J'ai dû le comprendre vite. Alors on prie un peu ou mal, cherchant le coupable partout sortant nos classes. Dédicace au bar HLM où on a fait nos classes. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Planète Rap.

Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. C'est avec les prix pour rien, jusqu'à ce que le monde tient dans ma paume. J'écris avec un surin, j'suis même pas à l'abri dans ma peau. Mes feuilles cicatrisent plus, j'écoute ce que le diable me chuchote. Quand j'en ai marre de puiser le message dans ce violon qui me sert de chiotte. Ça nique le moral des troupes, l'ambiance annonce un carnage. On cède à la panique, la rage, ça fait des trous dans le karma. J'ai embarqué dans le Titanic en espérant grimper au ciel. L'orage a un rire satanique et je vois des triangles isocèles. La vie m'étrangle, ils ont délocalisé l'usine à rêve. Détourner la colère du peuple, focalisé sur des minarets. Plus get up, stand up, le tché c'est plus qu'un t-shirt. Les deux pièces scotchées au bitume, c'est le meilleur tricheur qui gagne l'habitude de vivre entravé. Une chaîne reste une chaîne même en or. Et même sans morte, la vie reste une chienne. Ceux qui sont morts ont pris de l'avance. Ne cherchez pas mon blase en haut de la page. Je suis pas de ceux qui croient que le péché, ça part au lavage. Je connais pas le prix du bonheur. Si ça s'achète, combien de zéros tu mets? La tombe avant le déshonneur, petite. Combien d'euros tu m'aimes? Je suis pas donneur de leçons, pas meilleur qu'un autre. J'ai juste pigé, qu'enfant, tuer le temps. Maintenant rêve de le figer, sans excédent de bagages. Je voyage léger, l'air graisse et lourd. Nous on s'en remonte au crépuscule. La lune c'est le soleil des loups. On blâme la bombe, passe mieux qu'il l'a amorcé. Le vice est insomniaque, qui a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué, ils veulent que je mette un bémol. Je suis hypnotisé par l'écran, éduqué par un démon. Les questions connes sans réponse, savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes, comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de vif. Alors on rêve une fois dans le sas, braquer un peu de grif. Je lis l'évangile selon Goldman. Quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. C'est extrait de l'album de Lino qui sort lundi, l'album Requiem à l'instant de Rêve et de Sand sur Skyrock entre 20h et 21h. Ce soir encore Lino est là avec nous, il sera là aussi la semaine prochaine. Et ce soir c'est soirée Villiers-le-Bel, VLB. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, merci. Entre 20 et 21. Un petit mot justement, on parlait du quartier, donc la Cerisée qui a été rebaptisée par vous, hein, le 6ème Chaudron. Quand tu vois un petit peu tout le monde, ceux qui vont rapper dans quelques minutes, qui est aussi la nouvelle génération. Ouais, voilà, il y a plusieurs générations là qui se confondent. Il y a plusieurs générations qui se confondent. Nous avec Ghetto Superstar, donc c'est-à-dire les frères qui sont là, il y a Makwa, Armageddon, il y a La Rose, Réti Bonnard, puis il y a Djamma, Kaskami, ce qui devrait être là normalement, mais je sais pas où il est. Donc tout ça, c'est les mecs qui ont, nous on a rappé ensemble, et puis il y a l'autre génération qui est derrière aussi qui rappe. Ah. Et donc il y a tout le monde, ça c'est tout un mix. Tu suis encore, tu vas encore régulièrement, Je traîne. Yeah. Ouais. Je traîne à la gare. Avec une bouteille. Au boulevard 8. Non, on plaisante. Non, mais évidemment, de toute façon, il y a un projet qui se prépare avec justement Ghetto Star, donc avec Arsenic, voilà. Avec Jamadom, avec Réti Bonap, avec Rash, avec Armageddon, donc Soulefrère, Vioca. Jamadom, enfin toute l'équipe. Monsieur Bonab, c'est comment? Et voilà, donc on prépare ce projet. Tout à l'heure, on va balancer un inédit. Voilà, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Bien, quasi. Voilà quoi. Cascamille qui est là. Qui est... Cascamille avec un décolleté. Ah, il y a Cascamille qui est... Faut le préciser, le décolleté, il a joué. Hein. Ah, ouais. Ah, ça taille toujours. Hein. Non, le cas. Ça va, Cascamille? Ouais, ça va. Hein, bah, c'est plaisir de te voir aussi. Ouais, je suis dans le coin, je traînais là. Dans semaine, on a vu plein de jolies têtes hein, qui font plaisir à retrouver dans le studio. Une jolie tête. Je suis jolie. De très jolies têtes cette semaine entre 20 et 21 dans le Planète Rap consacré à Lino. T'écoutes aussi ce qu'ils font aussi. Alors là, je parle plus pour la nouvelle génération. Lino, toi, t'as toujours une oreille. Mais après, ils avaient les mecs qui le font direct. Mais on t'entend pas. Excuse-moi. Il y a Tequila qui me fait écouter des trucs. Justement, tout ça, je suis lui, coach, ouais, vas-y. Puisque lui il est plus centré là-bas, donc il me fait écouter des trucs, donc je vois qui kick pas. Ah oui, donc, voilà. Ah non, parce que frère, là on est en train de monter un petit truc. Enfin, on voulait faire un label, mais là c'est plus une asso qui part en académie, on va dire. Mmh. Ouais. Justement, on aide les frères. On les fait travailler, on travaille les flows, le fond, la forme, on bosse. Il y aura des profs qui viendront pour les aider à se performer. À synthétiser. Synthétiser, si tu veux, ça c'est la langue française de Molière. Non, il y a. C'est sûr, ouais. C'est Molière, ça. Ouais, c'est la langue de. Pas sûr, Molière. Il y a aussi Akila Kali qui est là aussi, qui vient voir. C'est un jeune végétalien. Il mange plus de viande ni de. On va pas débattre sur ça. Il mange des raisins. Des... Ouais, c'est le bien-être de la planète, mon pote. Ouais, écoute, il est en forme, mais. Captain Planète. C'est un extraterrestre. Non, donc, ouais, voilà, comme il a dit, c'est toute génération confondue. Il y a moi, Akila Kali, ou deux S qui est là. Tous les petits, les survivants, Billy, tout ça, ben voilà. Donc on va vous montrer ça tout à l'heure. Yes. Et attends, parce que Cass, t'as parlé ou quoi? T'as un projet ou quoi, le frère? Cascamille, pareil, tu fais partie de la génération aussi avec vous, avec Arsenic. Waouh, c'est la même génération. On a tous regardé Club Dorothée, tu vois. Voilà. Ensemble. Tu sors des choses, toi, Cascamille? Ouais, voilà, normalement, si tout va bien. Sors chez lui, si tout va bien. Sur un 14 site qui s'appelle Hérétique. Voilà. Donc maintenant la date, j'arrête pas trop là, je sais pas trop. Je dirais pas trop de date parce que je sais pas trop, donc j'ai pas envie de dire des trucs, donc je sais pas. Mais sinon le projet s'appelle Hérétique. Voilà. Bah, Hérétique, on suivra ça en 2015. Voilà, attention, ça va être chaud par contre. Hein. Pour Cascamille. Parole très très très très dure. De base. Et on te retrouvera peut-être en live aussi ce soir dans quelques minutes. Peut-être. Il y a de fortes chances. Je sais pas. Juste avant de passer au live, le freestyle par téléphone, qu'est-ce qu'on met comme morceau, Lino? Là, on est plus qu'à aller un peu plus de 48 ans, on peut peut-être balancer un morceau inédit. Non, pas encore. Là, je pense. Non, pas encore. J'ai tenté. Je tire la corde. J'ai tenté. Je tire la corde. Mais t'es d'accord? Parce que là, on a lâché un max. On a été généreux quand même, les frères. C'est vrai que t'as sorti pas mal de morceaux. Très généreux. Il y a beaucoup de morceaux qui sont dehors, les frères. Faut quand même une petite surprise. Alors, il y a un morceau qu'on n'a pas passé de la semaine qui est 12e lettre. Ah ouais, qui est aussi exactement. Un des morceaux qui a annoncé ton retour, hein, celui-ci, 12e. Exactement, tu es bon, tu es très bon. J'essaie, tu rebondis très vite. J'essaierai d'être et tu m'as sauvé sur ce coup-là. Non, mais à moins que tu veuilles en mettre un autre. Ah mais, non, j'adore ce titre. 12e lettre, c'est un morceau important. J'adore celui-ci. Ce titre. C'est un des premiers que tu as balancé. Ouais, c'est l'image. Ouais, c'était une volonté d'arriver avec un truc assez technique pour montrer ce qu'on faisait, ce qu'on savait encore faire à ce niveau-là. Donc voilà. Ouais, 12e lettre, c'est un morceau important aussi. Et bon, on va le balancer après la pub. Yes. Ça te va, bougez pas le retour de. Non, maintenant? Maintenant, allez, c'est parti, 12e lettre sur Skyrock. Maintenant, tu sais comment faire une bombe, commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer, il y a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du son, je rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais, il y a drogue et alcool dans le processus créatif, j'augmente la masse et les degrés Celsius, sans feu ni créatine, fait crier l'acier. Les platines brûlent qu'auprès de la mouvance. Ton rap vieille mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. Ça claque, je suis là pour frapper. Sexe souvent me hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer. Marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas pour lisser. Je prends mes balles dans l'alphabet. C'est D, E, F, G, I, J, K, L, qui c'est. C'est L, I, N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à LF. Ça claque, je suis là pour frapper. Sexe souvent me hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer. Marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas pour lisser. Je prends mes balles dans l'alphabet. C'est D, E, F, G, I, J, K, L, qui c'est. C'est L, I, N, O, le L. La 12e lettre, l'alien, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à L. Le lanceur de lames liquide, j't'allume, c'est de la Rainale et j'me livre. Salut la vie sur l'air de Live and Die in LA. Là c'est la lutte finale sans délai. Vite j'me soulage l'âme à l'oral fêlé, j'bu l'élu. M'a dit l'oracle, électron libre, j'ai l'aura qui lui sous la lune lance des litres de lyrics et les livres comme les lamelles dans la lune. Pas de larmes sous l'iris, j'ai l'allure d'un 9 milli. J'rappe au feeling, Billy, qu'on s'file, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill kill, là j'écris l'hymne de la ville, ça kill kill kill. Comme Lil W Easy à Milly, j'me lâche sur leur sale style en leasing en 6 milli. Mec, le cash est l'illicite, l'île est la scar auquel je m'affilie. Ok, j'tape, j'bilite, le ciel m'a limite, j'bis l'élite des ruelles sur la liste des lyricistes qui te lynchent en ceiling. On lave le linge sale enfin, Milly. Le poids des lettres au kilo du lourd, là c'est plus du rap, c'est de l'altéron, Philly. En live du lab, j'largue les textes, j'ai l'inspiration. Je mêle pas ex-lutteur avec l'esprit malade à la Lex Luthor. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Madala grandit, j'allume la foule sans briquet. Je suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est comptez jusqu'à 12. Des lettres, des longues lattes, des kilowatts, de l'art libre, de l'hémoglobine et des larmes, de l'ammonie, des brûlots, des litres, on lâche, puis l'accusé chez Ondla, tout l'entierie, du délice, puis l'objet, puis lui, de long large, délivre le lion, libère des flots de larmes, leur livre brûle, je lâche du lest, c'est mon délire, juste avant l'au-delà, je l'ouvre le beat, hurle, y'a trop de lâches à élire, au lac, je mets le feu, illégal comme l'ancien collègue à Ellie, laisse les faire leur lap dancing, j'ai Lucifer, la haine de signe, je suis élevé, je viens mettre le haut là. Je lime pas sans la texte comme Willy la lampe. Je lance l'hymne de la tête, c'est létal comme une diablesse féline. C'est luxe, c'est salope à l'écran. Des grosses liasses, des lignes blanches, l'enfer c'est délice. Et je lance l'alerte avant que mes négros se lancent. La playlist, je lui fais un lifting. C'est lisse, c'est trop classe comme du Céline. L'industrie et moi, c'est Lefty et Donny sans lala. L'arche de l'aigle, ma salle littérature. Loin d'être light et légère, le level monte, c'est pas du lala. T'as pas l'âge légal pour like mes lyriques à low kick. T'es un lac et j'suis en ligue 1 depuis L en nerf ou LL. Juste avant Mickey, M-I-L-L. Après Big L et I-L-L Matic, à Pit Rock et C-L Smooth, époque lunatique et L 430 de look, Lacoste avant LV Live des ruelles de VLBL, INO sur LP, Jean-Luc IL, Luciano dans l'aile. J'ai pas de plomb, moi j'la serre l'agneau. J'écris au laser pour les malheurs sans lèvres. À la nôtre, l'heure, je la donne de l'ombre à la lueur, je me lève. J'entends fait entrer l'accusé, je rentre sur 75 BPM. Je viens abuser du son, nourrir l'incendie. C'est dans mon ADN, cliquez, je brandis le micro, vous cliquez, cliquez, stéréo bandit, toujours pas domestiqué. Madala grandit, j'allume la foule sans briquet. J'suis dans le deal de punch, rap la foutre, le crime est revendiqué. Depuis mes premiers cris, la méthode, j'ai jamais choisi la douce. J'ai tout l'alphabet dans le chargeur, mon flingue c'est compté jusqu'à 12. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec le morceau 12ème lettre de Lino. C'est sur l'album Requiem qui sort lundi. Lundi 12, ça y est, c'est dans les bacs. Yes. Le 12. Allez chercher le 12. Allez le récupérer. Faut être au garde à vous. Le 12, il faut y aller fortement. Faut aller en vrai. Faut mettre les pesetas, les euros. L'équipe ou seul tout. Les pesos. Mettre les pesos. Et sinon, mettre le fric. On peut mettre dès maintenant précommande. On peut aller cliquer. Ah oui, ceux qui ont des cartes bleues, bien sûr. Des cartes gold. Pour ceux qui le veulent en digital. Bah ouais. Allez-y, allez cliquer, vous récupérez l'album Requiem de Lino. Dans un instant, on vous présentera un petit peu tous ceux qui sont autour de nous. Ouais, il y a une partie de Vidiel Bell qui vient de rappeler. Il y a tout le monde. Là, il y a Jamadom. Là, Jamadom qui fait partie aussi de l'équipe. Hein, on parlait, Jamadom, ouais, Armageddon, on parlait aussi de. Vous êtes nos frères reggae. Jamadom, il va se présenter, le frère. Et qui prépare d'ailleurs lui aussi un projet, je crois, pour les mois ou les jours qui arrivent. Effectivement. Ouais, c'est ça. On prépare ça tranquillement. Là, déjà, j'ai un clip là qui arrive là d'ici début février là. Et l'album pour automne 2015 qui va s'appeler Rescapé. Donc automne 2015 pour Jam Adam. Voilà. Allez suivre. Allez suivre, et puis on te retrouvera en live aussi, je suppose, d'ici quelques minutes. Ouais, en parallèle, naturellement, en parallèle, Ghetto Star. Ghetto Star, ouais. Voilà, ouais. Ghetto Star, on n'arrêterait pas de le répéter. Ouais, donc on est. On s'est tous réunis, voilà, les 9-5, voilà, et voilà, pour pouvoir faire un boucan. Voilà, un vrai boucan. C'est exactement ça, un vrai boucan. Ah oui, voilà. Putain de projet lyrical. Eh bien, on suivra ça, et dans un instant, on va revenir, ne bougez pas, il y a le freestyle par téléphone, on attaque le live, puisqu'il y a du monde ce soir, il y a Ville, il y a le Bel. Il y a même le poteau rescapé, il y a Chardogan. Avec Lino, ah, sur Skyrock. Comme toi. Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Lino entre 20 et 21. Ville et le Bel aussi à l'honneur ce soir. Avec un gros freestyle qui se prépare, un titre inédit aussi, Lino, qu'on va balancer. Ouais, on a des trucs. On a des trucs parce qu'en fait, on avait travaillé un album avec l'équipe Ghetto Star en sous-main. On était là, on travaillait ça. C'était quelle époque, déjà? C'était un petit moment. En 82. Parce que moi, on a commencé à travailler dessus 2008-2009. Ouais. On a mis un peu en stand-by, on est reparti dessus. Et ouais, voilà. On va balancer. Donc on a des 2015. Titres en stock qu'on a fait ensemble, tout ça, et voilà, avec le poteau Thierry aussi, Réti qui a un petit truc aussi. Tu nous présentes Monsieur Bonap. Ouais, non, juste rien à présenter. Je vais dire à Dama et à Bou, faut les représenter, ils nous attendent, ils sont là, ils savent qu'il y a Lino qui sort le 12 janvier, ils ont envie d'entendre. Alors on va faire un bon big up pour Adama, ouais, Abou, VLB Prod, voilà, Joey. Et ben on passera le morceau Adama, Abou aussi, les frères. Dans quelques minutes, juste avant, par téléphone, on est avec Segna de Tours. Salut Segna. Salut, ça va la famille? Ça va bien, bienvenue dans Planet Rap de Lino. Allô. Merci, cette semaine. C'est toujours un plaisir de venir. Et ben tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Déjà pour commencer le freestyle, un gros big up à tous ceux qui me suivent. Grâce à vous que les choses avancent. Oh, ok. Mon sang, ça c'est mon plus jeune âge. La demeure c'est plus grand tir dans nos paysages. Dans nos têtes c'est la noyade. Crois-moi si t'aimes nous balades. Contre mon départ vers Disney. L'époque d'un latin, je suis enfermé dans ce monde que je dirais que bah elle est. Si un jour je pète, ça sera pas accidentel. Va plus dans nous, tiens, on laisse. Dans ta bouche, écarte tes fesses. La misère est une femme, elle serait devenue ma maîtresse. Pas de stress dans ton esprit. Peur, sont bien dressés, te poussant de pas croire en Dieu pour pouvoir s'en libérer. Cette nouvelle génération finira brûlée dans les flammes. T'es prêt à vendre tes fesses, t'as dans ton âme au diable. Je suis enfermé dans cette prison, entouré par ces traîtres. Le monde se part en couille, ça va du simple en masse dans ma tête. Mes pensées ne se dévaguer un jour ou l'autre. Je peux t'avoir la barre de chavirer. Mes yeux H24, remplis de larmes. Pour me faire entendre, j'utiliserai sûrement les stars. Y'a pas de bizarre, seulement des chiennes en tête de gros bacmar. Il est déjà trop tard, ma deux sommes sur leur stage. Je pense pas format tout ça, y'a pas de crash. Là c'est ton âge, j'ai du mal à parler. C'est mon seigneur dans l'idée qu'il ne jamais me guider. Je passe le temps de faire à prier, à croire qu'il m'entend pas. Le monde se bat en couille, à croire qu'il ne le voit pas. Entends-moi, regarde-moi, me laisse pas, protège-moi. J'ai mal, je suis un seigneur seul, j'ai de faire voir. Je suis Harma du Haram. Ma comprenne pour une banane, je roule en Porsche Cayenne. Fais j'ai un pas de banane, tout pas trop les bonhommes. Comme les autres, c'est un singe bonobo. Le monde a tenu ta queue à remplacer ta peau. Photo trop d'écho dans nos grands cœurs, impossible de faire face. Garde-toi le respect de la mise pour suivre la bonne trace. Segna à l'instant en freestyle, yes, avec une petite connexion compliquée, mais on a pu entendre l'essentiel en tout cas, Segna. Et merci à toi d'avoir été avec nous dans le Planet Rap de Lino. Vas-y, bien sûr, Segna. Ok, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant Segna officiel, S-E-G-N-A, officiel, O-2-S-I-C-U-L. Et vous pouvez me retrouver également ma chaîne YouTube en tapant juste Segna dans la barre de recherche. On ira cliquer. Merci à toi, Segna. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée, yes. On parlait d'un morceau inédit, je crois qu'on va le balancer maintenant, ouais. Lino. Noise, t'as le truc. Donc ça, c'est Ghetto Star, c'est ça, hein? Ouais, c'est issu de l'album qu'on avait fait avec les potos en 2007. C'était en 82, voilà, on était jeunes et larges d'épaule. Et ben on écoute ce morceau maintenant, yes, sur ce qui est titre inédit Noise, c'est quand tu veux. Nous étions jeunes et larges bisous. Délié poum poum. 95 nectar, get star. Bang. Shit, SNCC officiel. Triple 6, CRH, MCC officiel. Présente l'équipe, Armageddon, les trois as. Casque à mi-tempête, providentielle. Croisade. Numéro 1 du punchline, boire, c'est ce qu'ils disent. Danse, tu peux bouger, y'a Jama pour les West Indies. Tu ornais deck, tu testes, reste une crise. Les 11 pour gérer les 11 après presque 8 piges. Reggie, la classe du comte de Monte Cristo. Petit stage de commis, mec, qui compte bien Monte Cristo. Tout ça, c'est le GHETTO star. Mettez eau bouillante comme un putain d'TTO star. Vrai, ça reste vrai, toujours fort, reste prêt, toujours hardcore, reste notre style. Toujours cru envers ses portes, toujours humble, toujours simple, toujours Dieu le Père qui nous guide. Ça marche à tête haute, malgré nos rêves, se jette dans le vide. Toujours antisocial, toujours 9-5 brutal. Souvent fait, qui est au star à la con. Quête du succès. Fixé, chaque naissance d'MC suit d'un décès. SF, c'est pour les mecs des blocs qu'on vient blesser. Get ça, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get ça, c'est la force lyricale qu'on perfectionne. Get ça, y'a que de la rage dans le microphone. Get ça, bouillante comme un putain d'TTO star. Get ça, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get ça, c'est la force lyricale qu'on perfectionne. Get ça, y'a que de la rage dans le microphone. Get ça, bouillante comme un putain d'TTO star. Dans ma ferraille, du shit dans ma matière grise, la tisse. Dans la prise de sang, ainsi collé au pare-brise. Au quartier, on a de l'assise, on parle pas trop, on agit. Carisme, nos frocs, une armurerie, ça s'écoute. Avant la promenade, après la branlette, écoute-le. Dans la cave, ta pute en levrette. Grillé, vivier délinquant, brutal et cruel. Get star au trap, les organes vitaux dans nos ruelles. Laisse les dons au ghetto, négro, on vient poser. Ils nous ont imposé les sosies, négro, ils ont osé. On passe à la poésie, à la sosée, on raconte des cracks. T'as saisi, c'est Get Star, le projet 954. On vient de causer. Exclusive, exposé de raccourci. T'as rien sous le bras, DJ, Fofine, Guzzi. Tu t'as que ça, aujourd'hui on te propose un vrai deal. C'est Get Star, quand on est boules, les gars sont des villes. Ouais, bro. La ville, là où ça part en vrille. Mais nous du bon son, bon sang, on se croirait en avril. Aïe. Une pour Samoul Hamoud, deux pour David, une autre pour Corinne, Boulin, Moussan, Amour. Get Star, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get Star, c'est la force lyricale qu'on perfectionne. Get Star, y'a que de la rage dans le microphone. Get Star, bouillante comme un putain d'TTO. Star. Get Star, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get Star, c'est la force lyricale qu'on perfectionne. Get Star, y'a que de la rage dans le microphone. Get Star, bouillante comme un putain d'TTO. Star. Sur le mec, je suis prêt pour l'attaque. Indépendant, j'arrive dans les bacs. Toujours paré pour vider mon sac. Fous la pression lyrique à des matraques. Dans le système pourri, j'ai la gnaque. Babylone, dans mon sombre, les glaces. Dans mon ghetto, non, y'a pas de mafia que les gars qui tapent durer, qui craquent. On fait plus les choses au pivot, en bras. On s'organise même si le projet doit s'en tirer au plaque. Bah, bah. C'est l'économie parallèle, on trace. On fait monter notre bœuf pendant que tu grattes ton blackjack. La ville en porte drapeau, dans l'équipe aucun brassard. Le rap de ma peau, j'suis comme Esrin, coursé par Broussard. C'est le capot, toujours prêt pour une douce barge. La balle extingue ta baffe de crapaud. Avant les fermes ta gueule, Froussard. Et puis Yakuza, voici mon G-A-N-G. Get Star, les flots A-N-G. Tronagé parmi les caïmans, on a tous fini la coste. Ose pas le ton, salope, laissez pas de riposte. Get Star, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get Star, c'est la force lyrique qu'on perd. Perfection, Get Star, y'a que de la rage dans le microphone. Get Star, bouillante comme un putain d'TTO Star. Get Star, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get Star, c'est la force lyrique qu'on perfectionne. Get Star, y'a que de la rage dans le microphone. Get Star, bouillante comme un putain d'TTO Star. Le gaz avec sa bande, son gang pour un gang bang. C'est les tétons de Marianne, c'est le plan s'installer pour longtemps. Sans se prendre la tête, tranquille assassine. Démonte avec un sourire, toujours fluide. L'équipe jamais très loin pour finir. C'est des flots gris. Déménagement de mâchoire, MC pas là pour jouer. Si t'es narval, arrache-toi, nique pas le business, nous rapper. Écoute-nous bien, la lumière se trouve là-bas. Et si on doit marcher sur vos corps pour y arriver, on est candidats, nous. Marche. Laisse pas ces cabron en place, j'fais mon méchoui. Vite, on brassera, j'apprends ça sans weed. Y'a plus de sûr que la prod est trempée dans le weed. Qui embaume aux soirées, en semaine ou en week-end. Surtout, t'attends pas un happy end, droite lourde et flow wiki. Qui fracasse après avoir fait pleurer le whisky. Rien à dire, et tout à faire, venu trouver de la fesse. Alors, tous les enculés, aille se faire. Un bon creux 95, c'est pour ce qui conclut, en avance, qui veut me rattraper. Court après son cul éclaté, toujours pas en cure. La tête squattée, j'encule la rythmique et le rap se remet à boiter. Sans rancune, l'ambiance est bonne. Tant que j'ai ma ration, j'arrive comme si je taclais ton crâne dans la surface de réparation. J'ai la clé de la réussite, mais j'ouvre la porte au pied de biche. J'ai putain de gueule en poster et dans les fiches. Au commissariat. Get Star, 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get star. C'est la force lyrique qu'on perfectionne. Get star. Y'a que de la rage dans le microphone. Le TO bouillant comme un putain d'TO star. 9-5 ghetto, la machine fonctionne. Get star. C'est la force lyrique qu'on perfectionne. Get star. Y'a que de la rage dans le microphone. Le TO bouillant comme un putain d'TO star. Yes. Voilà donc un morceau totalement inédit. Ouais, voilà, c'est du coffre-fort. Voilà, c'est sur un album qu'on est en train de bosser avec les frères. Donc il y a plein de morceaux, plein de morceaux. Ouais. Il est très lourd. Mais en fait, j'étais super bon déjà même en 89. J'étais déjà bon. Il faut dire un truc, les frères, on oublie quelque chose. C'est produit par Jimmy Findus quand même. Ouais. Yes, Jimmy Finger. Big up à Jimmy Finger qui a fait la prod. Voilà, une dédicace aussi à Léon. César, Joe, Edric, Cook, Vichy. Si vous êtes prêts maintenant, je crois qu'il est grand temps de passer au live. Freestyle, Yves Le Rambo, Freestyle VLB. Yeah. Cassidy, bienvenue au 6ème show. Elombe, yes. Bienvenue au 6ème show. My friend, Eden. Freestyle dans Planet Rap. Chez Eden aussi. Il faut quand le fouler. Noise, c'est parti maintenant. Session live dans Planet Rap. Y'a Ghetto Star, y'a VLB, y'a tous les frères. Il faut envoyer ça des survivants. Si j'aime tous les survivants. Ouais gros ça me saoule, toujours les mêmes qui te parlent d'embrouille. Toujours les mêmes qui font les foules. Rap game j'm'en bats les couches, moi ça c'est j'baisse tout. T'ont pas traîné dans mon zoo. Toujours les mêmes qui te racontent tout. Ouais ils font rien mais te parlent de tout. Perdre leur temps à parler sur nous. Faites des sons, vous vient de vas-y autoroule SD. Il faut que je décompresse. Peu de rappeurs, beaucoup de commères. Survivants en guise de rumeurs. Le rap à toi je lui claque les fesses. Je crois qu'elle a touché toi derrière. Plus de rappeurs, plus la de mer. Tiens qu'à un fil, dis ça tous tes rappeurs, je fous sur un tente. Ça a braqué le rap français, je lui fous mon tarpé sur la tente. Survivant, reste pas dedans. Ça va pas dire que t'es pas dedans. Mal te touche inconsciemment. Bra, y'aura pas semblant. Bra, ça sera sanglant. En plus de ça, je prends ça sans gants. J'en avec la haine et ça s'entend. On chauffe le banc depuis déjà trop longtemps. On est même pas dedans. On prend la force, c'est trop tigeant. On dit ta mère appelle des gens. Ça sera la même sentence qu'il y a 10 ans. Avec un soutien-gorge, avec un dessous, je prends le dessus. Oh là là, ils te tirent dessus. Ils veulent du liquide, fais les pisser dessus. C'est vrai, tu m'as déçu. Ouais, comme le soleil, je reste au-dessus. Ouais, ouais. Attention, braquage à salé, non, très par le dessus. La vérité blesse, demande à toutes les cafes. Peine de mort aux émeutiers 2007, que des cafes. On les chauffera à la cafetière, ces mecs ne méritent pas de souffle. Cache, osé, bis, parti au règle. Yes. Personne n'est prêt, la mort est à peine. La poche se guette. Dans la marmite, que des négris. Rap au pénis. Millenaris, mon orifice, ma réussite. Ma réussite, c'est le de croix, comme le Christ. Je crucifie, vaincre, tu rap itératif, réitatif, répétitif. Bang! À travers la queue de ces fils de pute, va nous brasser la vie. Pour la couronne, tu le roi et son fils, c'est comme ça que je m'affirme. Firme, firme, la coche au tronc, c'est un goudron, comme ça que nous vivons. Yes! De plein charbon, de plein pilon, comme ça que nous vivons. Quota! Elle avait aussi expliqué, Elle avait aussi expliqué. Les petits du 6ème show. Elle avait aussi expliqué. Cliquez les frères. Rams, go! Survivant. Survivant. Demande ce qui la relève. Quand le split passe, les majeurs en l'air. Descendant d'Ado et Eve. Je suis riche, mais ça c'est dans mes rêves. Tu demandes pourquoi on rappe? Quand on a des trucs à raconter. 51 qui se sont envolés. Normal qui se sont fait péter. Hier, mon camarade s'est fait sauter. Je vais à la chasse pour le retrouver. Et déjà deux mois se sont écoulés. Je vais te remonter comme la RRB. Tu te demandes si les gros viennent d'où? Ils viennent du zoo et ils sont tous fous. Vili le bel, y'a que des loussous. On va te la mettre, tu te demandes par où? Elle a B aussi cliqué. Elle a B aussi cliqué. La cité, c'est la légende. Tout le monde marche au pas. Sors ton gueule qui marche ou pas. Braque la foule, même sans se dose pas. On verra qui bougera pas. C'est pas du rap, c'est de l'opéra. Ok, ok, suspect. Ok, ok, suspect. Tu connais la sentence, ouais. Écoute ça, ma gueule, dans tes oreilles, hein. Je veux la lampe à la dame, baiser Jasmine dans un balade. Gaspiré dans une balade. Le roi a rendu les poteaux malade. Et la violence pour ton escalade. Si tu payes pas, c'est la noyade. Les hyènes, c'est avec les lions. La seule gloire est grosse, c'est le million. Certains fait tout fruit, donc reste mignon. Pas de panique, je te dis pas de panique. La France coule la pique comme le Titanic. Moi, je roule mon cycle depuis que je l'ai. Pas de panique, je te dis pas de panique. Fais ce qu'il t'a mis le rejetard. Posé dans le star, gros tard, gros square. J'en fous jusqu'au quoi. Pas besoin de blabla, pas besoin de blabla. Qui pas ça, tu dis n'importe quoi. Pas besoin de AK, tu crois j'ai fait pas ça. J'en ai bouffé des pastas, j'ai servi dans un salada. Demande à mes gars, t'as connu il y a ça gros darba. Ratata, t'as les grosses, c'est la hache sur ton bar tabac. Tu peux finir à Bix ou à Meda. Ou même en Espagne à la Jokera. Voilà comment j'aime pas les rapsa. 6, DC c'est les Renois. Et vice versa, ouais mon gars. Poto dédicace à Desta. Ratata sur ta sofa. Bang bang. Il est bang bang bang bang bang bang. Survivant ma jet. Ouais, vite à la photo. Ok, ok. Vika life. Vika what? Vika what? Vika what? Ouais, je le connais. Survivant. Vika life. On arrive dans le game, tout doucement sans les choquer. On va leur faire des trucs de ouf. Ces bâtards vont tous se libérer. Du projet, dans la surface, va se péter. En ta 17, bitch, avant que tu suces mon goro, il faut que j'aille pisser. Parfois, tout se passe la night. Je peux dire dans les chaises, c'est balisé. On devise, c'est en mode papillon. On arrive chez eux, on fout le bouillon. Côte d'Ivoire, les gros, voilà ma connexion. Je prends toute la tête, comme un luxe-bash. J'enflasse une seulement pour pas d'être. A tout cash, à 10, bravo, mala, jodo, rédal, diar, t'es la cheveux, que j'ai mes soldats, la boutique bébé, ça part de tout pas. T'es marrant comme mon frère, chasse l'instru, non négro, y'a pas de tendresse, je rentre sur les draps, je rentre sur les draps, oh témoin, comment je la fracasse. Bah ouais. La boutique c'est bang bang, yes. La boutique c'est bang bang, bang bang. La boutique c'est bang bang, bang bang. La boutique c'est bang bang, faites tourner les frères, bang bang, bang bang. Tous abonnés la coche, le succès passe sur la coche. Tous abonnés la coche. Cost. Le succès pas sur la coste. Tous abonnés la coste. Le succès pas sur la coste. Eh, hey, on n'est pas médium, mais va pécho. Et que ma frère. Vas-y. Ok. Skit. Yo. Ok. Tiens. Skit gang. Bénéfice pas l'ancienne. Tire. Tire. A chaque négro qui meurt, un politicien qui sourit. Y'a rien à faire, Billy. Ton peuple est soumis. Billy Ali. Elle est mélancolie, le cœur enseveli. Car aucune race ne s'envenime. Depuis le round 2, c'est dit que finirait dans le top. On découvre pas le monde en restant dans le bloc. Pour réussir, sois charbonné non-stop. Car je suis de la race inférieure comme cop. En trap, je te baise. En égo, je te baise. En plume, je te baise. En conscience, je te baise. Je fais rien par bosser des sons et faire des concours d'apnée avec Poséidon. Je dois monter ma horde. Pareil que l'écriture n'est plus à la mode. Comme un noir pendu à une corde. Ma conscience est morte, je leur fais croire qu'elle s'endort. Tant d'hommes, bite de cheval, un nouveau genre de centaure. Bitcoin. Yeah. Par cause mon sauce. Papa. Yeah. Envoie ça. Ah. Envoie-moi la croix, s'il te plaît. Envoie-moi la croix, s'il te plaît. Pull up, pull up, pull up. C'est les pull-ups. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah. Ah, yo. Eh, eh. Fab Cosmosos. Ok. Yo. Yeah, yeah. Las de Caro. Vas-y. Écoute. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Celle-là c'est pour mes gava au gros brava, Camer Congo Brava, de ma ville j'ai le brassard, yeah. Certains ne comprennent pas ça, attends que je t'explique ma star, je kick depuis des années, ces PD sont juste de passage, leur carrière c'est un coup de vent, ils pensent pouvoir m'enrhumer, dites-leur que je me transforme en loup, les soirs où je suis maluné, ouais. Celui qui vaut le plus cher, me produire t'as pas le budget, j'espère que l'avenir a un bon gardien vu tous les budgets, yeah. J'ai dit que j'aimais trop la rue, mes lunettes c'est des quartiers, ouais. Si je t'as chier c'est faire, je te vendrai un bigo, les 4G, regarde les 4G, mon gava tu crois qu'on a peur de qui, ouais. Mais pas de balance dans l'affaire quand ça parle de kill. Musicalement, ces PD ne peuvent pas m'atteindre. Donc ils pensent à m'allumer pour pouvoir m'éteindre. Dites-leur que derrière moi j'ai tous mes carreaux gang. Tout mon 9-5, tout mon vinyl. C'est pour mes gars, va brava, bata, barre-toi car je parle pas de toi. C'est pour Bacarabar, mon shit fait des bulles comme de la bardoie. Mon gars, va, je n'en vois que du lourd, ils sont tous pathétiques. Appelle-moi Steven Gérard, je frappe fort et je ne change pas d'équipe. Moi je t'ai pas mis dans le son de peur, tu gâtes tout. Je suis un pâtissier car faire du rap c'est du gâteau. Celle-là c'est tes cadeaux, mentalité ado. A chaque fois que tu dépasses quelqu'un, tu te le mets à dos. Retour pour vous baiser, attitude de sado. Écoute, attitude de sado. Tu vas te prendre des gros steaks, pas à l'écoute de ce texte-là. Coup d'éclat, gros dégât, je te marave sur le texte-là. T'as trop mal, tu t'exclames, t'as que t'étais smécal. T'as pas pensé retour de flamme, donc t'es pas. Je te dirai pas deux fois, ta jalousie me met en dehors de ça. De la délanguise, c'est le délire autour de ma vie. On n'a pas les mêmes délires, t'es une langue. Ne se désire, aucun avenir se dessine, que tes rêves se dissipent. Ah. Allez, vas-y, bouge d'ici, tous dissipent. D'un monde sans principe, on se décide, le bien et le mal qu'importe. Tant qu'on existe, t'arrives à rien si t'hésites à fracasser les portes. Tu fous de musique, tu peux m'interner. Si je coupe ta langue, ça sera dans ton intérêt. Je suis cet incroyable interprète, rien à foutre des vues, rien à boîte d'internet. Pas de boîte, on écrit ce qu'on a dans la peau, ouais. Le micro dans la bombe et dans l'autre, une bouteille. Et de beau, ouais. Avilier la vibe et bader tous les massifs. Avilier la vibe et bader tous les massifs. Même pas la vraie vibe et bader tous les massifs. Je vois un dollar. Me disait ça, faut qu'il pop les punch. Yeah, je vois les punch. Ok, ok. Bafa, Vivienne Belle. Sixième show, Vailer. One, yeah, yeah. One, je vois des punch. Yeah. Je vois des punch, yeah. Je vois des punch, ok, ça fait. Yo, je vois des punch, Madine African Airline. La vie nous prend crunch, déter façon Thug Night. J'y vais à fond, même si la percée est trop light. On a un Ségor, épaulé par la street, j'me fight. Comme un mongol, ça m'est égal de vos écrans. Revendique le flambeau, vaille leur favelas. Les bad bluffs arrivent, avis valeur, hélas. Si je lâche la vérité, j'serai prêt de la censure. Revendique, oh, microphone check. Tu croyais quoi que j'avais baissé les bras, garde le sourire aux lèvres, yes. Microphone check, one. One, sixième show, Vailer, Bafa, yes. Hi. Ok. Yeah. Thank you. Hi. Ouais, yeah. Yeah. Okay. Après, je me tire. Hi. Tu peux fermer les stores, j'amène la light. Trop de son, négro, j'arrive Marlboro Light. Négro, ça part en couille, négro, ça part en freestyle. Improvisation avec les frères, on est die. Négro, je reprends le micro avec les frérots. Sixième show, cascade, Vigel Bel Caro. PLM, y'a tout le monde, y'a la sarcelle ici. Au microphone, négro, j'fume le MIC. Y'a pas de problème, j'crame ta T6, y'a Dra. DJ Noise, continue de mixer ce putain de ça. Y'a qui la Kali, approche-toi si tu veux brûler le micro. Ici, c'est Mr. Tekil, quand j'kick, j'ai trop les crocs. Tu sais d'où j'sors. Sixième show, le sponsor. Y'a pas de problème, négro, on arrive quoi. Y'a tous les petits frérots, frérot, envoie sa salle. Représente ça, c'est le gars sale. Bang. Je viens chanter pour les oppressés, pour tous les agressés, pour tous les délaissés, pour tous les rabaissés, pour tous les offensés, pour tous les effacés, pour tous les terrassés, ceux qui sont compressés. Pour la misère du monde et pour ceux qui sont blessés. Pour tous les politiciens qui veulent nous ambiancer. Pour tous les menacés, blatamment, laisse-moi passer. N'en m'en pas jamaïque et ainsi m'a oppressé. Pour tous les gars cool et ceux qui sont angoissés. Chanter pour tous les opprimés malheureux qu'on a cassés. Je me la donne en créole ou en français. les vibes on peut pas se lasser, ok. Je suis Valentine Spliff, je m'en balance time over. Si tu glisses au ballon, crâne ouvert. Si tu balances ou t'as le bras long, tu peux calanche. On te retrouvera même si tu te caches jusqu'à l'ombre. Juste galon et sec, qui veut prendre du galon. Soutilon Z, Z la SS, nous dilons secteur. Cramé comme du pilon dans ta chaussette. Rinspé mort sur la chaussée, j'en rêve. C'est chaud dans ma zone sans rêve. Réfléchis 12 fois, négro, avant que ton brolique s'enraye. Faut bâtard pour mes sans rêve. Serre-moi un jack à ta santé, à la mienne. Escarté sans paix, j'ai grandi à la tête. Noyé dans la taille, déserté la messe. Cerveau troué par le meux, s'allume la mèche. Tape un meuge gueuche, que je claque un peu d'espèce. La vie c'est dur, mais ça dure. Jamais le temps qu'on espère. Mais sur la France, on se permet de spermer. Vu qu'il y a trop de refaits enfermés. V'là la meute de loup, veut lui chasser le fermier. Un. Aïe. Ah, fallait laisser, mais tranquille. Tu. Je vais le faire. Un. Est-ce que les négros sont chauds? Yeah, yeah. Est-ce que yeah, c'est chaud à Skyrock? Oh. Oh. Sixième chaudron. Aha. Qui l'a calé? Check. Ça va. Ça fait. Jamo Beats. Pas de débat, tu vas qui tire dans ma gueule et court vieux. J'pisse dessus mais se font passer pour nerveux. J'traîne avec des guerriers pleins des types qui lourdent peu. Cocktail molotov, voyons si ta carrure est coupe feu. Y'a rien à grailler, les rats se bouffent entre eux. Y'a cause tête que le rap game est un jeu. En expansion, j'suis un nègre comme on en trouve peu. Ces bitches que j'les défonce bien plus que leur beuh. Mon nom c'est Killa Kali, en perpétuel conflit avec moi-même comme les deux forces qui gravitaient. Faut que ton putain d'avis, je coulerai seul avec mon navire. J'ai les goûts primaires que j'attire, Zoxa, je vais pas me faire aduler. Ne persuade pas qu'on est mes petites victimes. J'ai le feu des enfers, ces bâtards sont devenus fictifs. Ça fait le grand saut dans la merde quand ça pue trop le bif. Pétard à la bouche, foutu trop tôt comme tif, kiff. Casse dédiée à mes abonnés. Qui envoie la force, puis le cachot. L'Occident se pète la gueule, Hollande à bon dos. Rendez-nous Kadhafi, prenez Sarko. It's my birthday, ramène-moi une petite flic. Pas de bavure malgré que mon canon est impulsif. Époque bisexuelle, j'préfère être primitif. J'attire les cougars qui manquent cruellement de lifting. Faut que je trouve un autre tuyau, même plus de liquide. Y'a plus de gamins, tout sera pâle comme Billy the Kid. On ferme les yeux quand leur connerie est prévisible. J'dois vivre le peu pendant que le pape s'en fait de bling. C'était la session live dans l'émission Session Live, le freestyle. Merci à vous tous. Il y a des frères qui ont pas rappelé. Je sais, mais ils reviendront la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, les gars. C'est péché, vrai. Je suis désolé, mais je sais, mais la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continuera le planète rap. Le temps passe. On s'efface, on laisse les faire kicker. Et là, voilà. Merci. En tout cas, vous tous. Ils ont du cœur. Ils ont envie de s'exprimer. C'est important aussi de laisser les frères s'exprimer. Et c'était du bon. Faites du bruit, les gars. Vous êtes là. On fait du bruit ou pas? Ça c'est la jeunesse. Avant de se quitter, en tout cas, je vais te remercier déjà pour cette belle semaine. Tu reviens lundi. Ouais, c'est moi, merci. Lundi, c'est la sortie loupée par Requiem. C'est lundi, ouais. Là, ça y est, c'est dans un peu on plus revient... de 48 heures. Ouais, pas, ouais, 48 heures, comme tu dis. Après, j'ai du mal avec les horaires. Mais voilà. Lundi, c'est le retour de Lino. Le 12 janvier, on revient lundi et on fait ça fort. Merci. Et de retour aussi dans Planète Rap. Merci à vous tous. Merci Lino, Tequila, Yelbo dans le coin. Yes. Noise qui était au platine tous les soirs. Liaison toxique bientôt dans les bacs. Et tous ceux qui sont passés au freestyle. Liaison toxique bientôt dans les bacs. Prépare-toi, il faudrait qu'on fasse la putain de nocturne. Pour rentrer, monsieur. Et bah, la nocturne, c'est d'ailleurs dans un instant ce soir avec Black N qui débarque. Mais oui. dans la nocturne, n'a pas loupé. Et là, il est grand temps de retrouver D-Fool maintenant. Ah, mais non, il y a la roulette juste avant. Bah, la roulette et D-Fool après. Ah oui, frère. Ouais, ouais. 2015 démarre bien. Ah, bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano dans toute la France. Eh oui, Elodie, je vais pas te squeezer quand même, t'imagines? J'ai failli t'oublier, Elodie. Ah, mais non. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut oublier, Elodie? C'est impossible, voilà. Impossible. Honteux, Elodie. Bon, tout va bien pour toi? Ça va et toi? Eh ben, écoute, très bien. Il y a de l'ambiance, hein? Grosse ambiance cette semaine avec Lino, toute la semaine dans Planète Rap. Je te présente Lino d'ailleurs, qui est là aussi. Micro. Yes, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu entends des gens rire, c'est normal, hein, Elodie. C'est la vie dans le studio. Ouais, il y a des mecs bizarres. Ouais, il me semble. Hein. Et fais-nous un beau stop pour contrer tout ça, Elodie. Vas-y. C'est parti, dès que tu veux. La roulette qui va s'arrêter pour toi, Elodie, c'est sûr. Et ben voilà. Concert de Sopra, tiens. Soprano, le Cosmo Tour. C'est cool. Garde des forces pour le concert, hein, Elodie. Ah ouais, ça c'est super. Garde de la voix. Soprano, c'est génial. Et bah ouais, c'est terrible. Allez le voir en concert, Sopra, ça donne voilà, de la bonne humeur à tout le monde et ça fait plaisir. Merci à toi, on te fait des bisous, Elodie. Merci, bisous, salut. Ciao, passe une bonne soirée. Merci, Lino. Rencard lundi. Merci, on se voit. 20-21. Et là, donc, je le disais, il est grand temps de retrouver Difool et toute l'équipe maintenant. C'est parti pour la Radio Libre. Et la Radio Libre, c'est en direct ce soir. Le Planète Rap a été enregistré hier soir, hein, je vous le dis, pour ceux qui sont branchés dans le courant de, courant de l'émission. On est content de vous retrouver malgré tout. Content de vous retrouver et puis de vous laisser la parole. Radio Libre en direct sur Skyrock, c'est au 01 53 40 30 20. Bon, encore une journée difficile. On espère que ça va s'arrêter un jour, toute cette histoire, parce que c'est dur. Ouais. C'est dur pour tout le monde d'ailleurs. Bon, en tout cas, ce soir, c'est parti. Dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous avez un truc à dire, vous avez envie de vous exprimer, vous voulez débarquer avec toute l'équipe et toute l'équipe qui est là. Exact. Et ben, je vais vous le dire, l'équipe, ça fait du bien de vous retrouver ce soir. En tout cas. Pareil. Donc, 01 53 40 30 20. Vous pouvez faire péter les réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser des messages sur le 41 759. Moi, je l'entends toujours rien. Sur la piste. Ouais. Alors, j'ai toujours vous demandé de parler bien fort parce que. Bon, on va parler bien fort. Vous savez, parfois, il vaut mieux rien entendre. Tu sais, quand on. Non, mais il y a eu des moments plus sympas, oui. Plus sympas. Mais en tout cas, on est déjà content de vous retrouver. Merci déjà pour les messages que vous nous envoyez. On a plein de choses à vous dire. On va se retrouver dans un instant en direct. Si vous voulez vous exprimer en direct, allez-y. Et puis, on va démarrer l'émission avec un morceau qui est vraiment de circonstance. Et ça s'appelle Je garde le sourire. C'est le son de Black M. Écoutez bien les paroles de Black M. C'est le son qu'on vous balance tout de suite en direct sur Skyrock. Il est 20h52. On est tous ensemble et on vous attend jusqu'à minuit en direct avec vous. Allez, je garde le sourire, Black M. Premier sur le cash.